Avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voici donc l'heure de se retrouver comme tous les mardis après-midi pour l'émission Music Dance, tout simplement entre 13h30 jusqu'à 17h. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé une très bonne déjà matinée et puis que vous allez continuer de passer l'excellent après-midi en ma compagnie. Et aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec l'émission de Lorenzo entre 9h jusqu'à midi, que vous allez retrouver donc bien mardi prochain, mais aussi vendredi pareil à la même heure. Voilà donc, on va ben, continuer des les chansons dans la musique. Voilà donc, et voici Alain Bachoum avec tout simplement Gabi, oh Gabi, et puis suivi de Vanessa Denouise. mais encore bien jeune il est. Mais ne fais pas cette tête, tout ira bien, tu le sais. Puisqu'à la fin où tu vas, je vais. Sylvie Vartan avec Comme un enfant, et puis juste après Dany Briand avec bien sûr Tant qu'il y aura des femmes. Faut faire attention comme un garçon.

Venez en famille, entre amis, ne joignons tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Je vous laisse avec deux titres compris. Help you.

can do that. Girl, cut a little loose, you can move that. Move that. Oh, yeah. I'll take you dancing in a country. Levi's in a globe. Spinning in some red dirt. Sleeping on a boat. Voici donc qui s'appelle Renaud et le titre s'appelle tout simplement Annabelle de mai. Et puis celui de Demis Roussos, Quand je t'aime. Quand il est arrivé à la belle de mai, il connaît ses dégâts. Le parisien, que j'accosse pas drôle, avec ses yeux de gaudi, a dit tout le quartier. Il est spinché, il fait le fier, ce pégrounasse. Aux bonnes mères, qu'est counasse. Les pas de la martiale, c'est un con à la voile. On va lui espiger le bout du nez. Premier jour au bistrot, t'a payé l'apéro à tous ses enterrés. Pas rancunier, ils se sont pégués jusqu'à la nuit tombée. À la santé, le cher. L'étranger, il fait le fier, parce qu'il est riche. Oh bonne mère, qu'est-ce qu'on que fiche. C'est un vrai rompe-figue, dit, il est de Martigues. Est-ce qu'on peut s'en séguer de ses lorées. Le lendemain, le cacou se promenait partout, avec sa fiancée. Comme un trophée, c'était une belle mine, au long cou de galine, il avait dû la furer, au poulailler, il fait le fier, le parigot, au bonne mère, qui est Carparo, mais elle a le cul presque comme la porte d'Aix, va caguer à Andoum, au Fangoule. Un jour, à Deniston, qui jouait au ballon, il dit, oh les minots, il y a du boulot pour remporter le match, pour se lever le mafre. Et allez, vous léguer, les bras cassés. Il fait le fier, match de co. Mais il peut cher un pastisson. Et qu'il aille au vieux port faire ses escrambores. Peut même s'y léguer l'étranger. Était né avait la crépine, son équipe a brillé, a été digne, avait le cul, ma foi, un peu porté dans le choix, l'a fait des fosséens, européens, il fait le fier, et il parade, la canelière, elle le bade, mais il nous casse aussi un peu les alibophies, car si on a la coupe, il l'a aussi. Après cette aventure, elle est devenue madure, l'a voulu remplacer le député. Il est bon ce jobastre pour le 54, il va se retrouver à Montpavé. Il fait le fier et il voudrait, au bord de mer, nous escamer. Retourne à la capitale ou bien va au Pigalle, au PSG, chez les papés. Belle de mai, au goude et au panier, il a salué Téguin. Le Parisien, quand il est remonté, et dans son TGV, avec sa fiancée et ses lorées, il fait le fier, ce débrunasse. Au bonne mère, c'est une estrasse. Mais fille, les trains s'arrêtent quelquefois aux pommettes, après un pénéqué à l'évêché. Ma petite belle, cette histoire, c'est celle d'un falas de brel. Une cordille qui savait pas qu'ici on aime les bandits, on donne l'amitié aux étrangers, même s'ils sont fiers, comme le pape aux bonnes mères. Allez, escape, fais du bien à Bertrand, il te le rend cadon, donne-lui le ballon. Donne au miston, dès qu'il sera champion, il voudra ce pépron remplacer le garçon. Ça, pas question, match de con. voici donc des sérénesses et puis juste après l'accordéon. Thank you. d'Espagne. On arrive de partout, c'est pour danser. À Rosas, en Espagne, on accourt pour faire la fête et s'amuser. Quand on voit tourner les robes, c'est magique à en rêver. À Rosas, en Espagne, on ne pense qu'à une chose, c'est danser. Pour faire la fête et s'amuser. Quand on voit tourner des robes, c'est magique à en rêver. À Rosas, en Espagne, on ne pense qu'à une chose, c'est danser. Olé. Après l'accordéon, eh bien voici donc Pierre Bachelet avec 20 ans et puis Barry White. En ce temps-là, je vivais comme un oiseau sur la branche. Devant les fils dessinés, je faisais la manche.

Arc-en-ciel. Voici le groupe tout simplement Razur avec Oh l'amour et juste après c'est Ozone. Și eu Picasso, ți-am dat beat și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei. France Gall avec Résiste. Une vie bien dirigée où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste. programme pour aujourd'hui ainsi que pour demain. Voilà donc à partir de ce soir, donc à partir de 19h à 21h avec Christophe pour l'émission Électrique Choc. Et puis donc demain nous serons déjà mercredi et à partir tout simplement de 14h jusqu'à 16h avec Gloria pour la musique de Gloria. Et puis juste après entre 16h jusqu'à 17h avec Zik d'ailleurs. Et puis entre 18h et 19h30 Violette, l'émission traditionnelle. Et puis après, à partir de 19h30 jusqu'à 21h avec Christina pour l'émission pour fleurs de fourrure. Et puis le jeudi, à partir de 9h jusqu'à midi, eh bien vous allez retrouver l'émission de Vase de Portugal avec Armin Rio. Voilà aussi, j'espère que vous passez une excellente après-midi, que les chansons vous plaisent et que vous êtes bien à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Voilà donc, je vais vous laisser avec le titre Joys avec François Feldman, mais juste avant lui. Avec Philippe Laville, avec la part des anges. Voilà, bon après-midi à vous toutes. Je passe du temps dans les nuages. À m'inventer des voyages, à m'en aller sans bagages, aux antipodes au bout du monde. On me dit un peu rêveur, ou nonchalant selon l'heure, mais lorsque je vagabonde, je me sens léger comme la vapeur. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes, qui laissent un vide bien étrange. Que l'on appelle la part des anges. De ces feuilles de tabac roulées par des mains douces et appliquées s'élèvent senteurs et fumées vers des lieux privilégiés. Qui a droit à ces saveurs, dans quel paradis, quel ailleurs? Je veux les noms des pique-assiettes, l'identité des profiteurs. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes qui laisse un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. Ces jolies chansons d'amour, restez au fond d'un tiroir, j'aimerais qu'elle s'envole un jour vers celle qui m'avait fait croire que j'étais l'homme de leur vie, le plus fidèle, le plus gentil, qu'elle me trouvait vachement bien, et nanani et nanana. Un peu comme de ces fûts de rhum, d'où s'échappent des arômes, qui laissent un vide bien étrange, que l'on appelle la part des anges. Et quand se ferment les yeux au moment de la révérence, certains disent qu'ils vont vers Dieu, quand d'autres parlent d'invraisemblance. Que faire de ces quelques drames qui s'en vont, je ne sais où? Puis-je parler du poids de l'âme qui t'a passé pour un fou? un peu comme de ces fumées d'où s'échappent des arômes qui laissent un vide bien étrange que l'on appelle la part des anges.

musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici donc, je vous laisse avec Guy Béard, son titre il y a plus d'un an, et puis celui de Herbert Léonard. Il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, ça fait quelque temps déjà, ça fait quelque temps, tant, au poids des âmes. La première fois, la première fois, la première fois, j'étais là, la première fois, la première fois, une heure avant toi déjà, une heure avant toi, toi, toi, au poids des âmes. Après 15 jours, après 15 jours, après 15 journées d'amour, après 15 jours, après 15 jours, mon cœur était lourd déjà, mon cœur était lourd, lourd, lourd, au poids des âmes. Le dernier métro, le dernier métro, le dernier métro pris au trot, le dernier métro, le dernier métro, je l'avais dans le dos déjà, je l'avais dans le dos, dos, dos, au poids des âmes. Alors j'ai couru, alors j'ai couru, alors j'ai couru vers ta rue, alors j'ai couru, alors j'ai couru, tu n'y étais plus déjà, tu n'y étais plus, plus, plus, au poids des âmes. Un soir par hasard, un soir par hasard, on se reverra dans un bar. Un soir par hasard, un soir par hasard, on en aura marre déjà, on en aura marre, marre, marre, parce que déjà, il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, il y a plus d'un an que je t'attends, il y a plus d'un an, il y a plus d'un an, t'as peut-être un enfant déjà, t'as peut-être un enfant, enfant, enfant, qu'a une dent contre moi. Autour de chaque ballon, puis s'appelle Jem Merkin avec le titre Quoi. Bon après-midi à vous tous et à vous toutes.

aux Amarantinos de Olivet, aux Amigos de Portugal, suivi par le groupe folklorique Soleil du Portugal demain sur Loire. Vers 20h, animation musicale par DJ Frankie qui chauffera le parc de Lignerolles. À 22h, le groupe Capa Negra animera la nuit pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. Le dimanche 2 juillet, rendez-vous à partir de 10h au parc de Lignerolles. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anthony Walsh. Dan Tiberio. Lian Cruz. Cláudia Caramelo. De jeito na pista. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Tradição do. No ar, é. Viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, é. Viva o malhão. Manda-me um bilhete de poção. Luís Manuel. Portugal, eu te peço. Clôture des festivités par les trois groupes de tambours au Jbombo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en touche. On compte sur vous. Organisation Radio Arc-en-Ciel. As moças da minha terra, não me vais dizer que não. Eu escolho as que quiser, tenho todas. E ando sempre contente. Não quero cá compromissos. Tenho sempre uma diferente. Eu já não sou bem assim. Que o meu coração derrete. Dá uma para cada dia. Dá uma para cada dia. Porque elas já são sete. As moças da minha terra. Não me vais. Eu escolho as que quiser. Tenho todas na minha mão. Está calado o rapazinho. Eu sei bem o que tu queres. Sou um homem apaixonado. E tenho sete mulheres. Não faço o que alguém quer. Não sou preso como tu. Ando com qualquer mulher. Já eu sou comprometido. Mas tenho bom coração. Quando chega a hora H, quando chega a hora H, eu não sei dizer que não. As moças da minha terra. Não me vais dizer que não. Eu escolho as que quiser. Tenho todas na minha mão. Está calado o rapazinho. Eu sei bem o que tu queres. Sou um homem apaixonado. E tenho sete mulheres. As moças da minha terra. Não me vais todas na minha mão. Está calado o rapazinho. Eu sei bem o que tu queres. Sou um homem apaixonado. Voici donc eh bien, Karen Cheryl avec son titre Pense à moi quand même. Et puis juste après, Julio et Vegas avec tout simplement. Eh bien, vous verrez bien, vous les femmes. Je dis des mots que je ne t'ai jamais dit. Même si elle rêve d'être celle, celle qui vit dans ta vie. Même si les heures que tu passes. Nous les hommes pauvres et diables, avec des milliers. falha, o mondrame, o seduce, o la source dell'orario, obbediente, e non sono vulnerabile, miserabile, non desordine.

costume. Dracula, Casanova, c'est un vrai plaisir de respecter les coutumes. Cendrillon, Napoléon, aujourd'hui je fais ce qui me plaît. Me plaît. Devinez, devinez, devinez qui je suis. Derrière mon loup, je fais ce qui me plaît. Me plaît. Mireille Mathieu avec le vieux café de la ruche d'Amérique. La fête au néon se termine et la ville se... Et puis juste après, ce sera tout simplement Marty Schumann avec un été de porcelaine. Comme ils font tous les soirs sans savoir ce qu'ils veulent. Mais la vieille ville est là comme une île. Les verres en chantant. On a l'impression, quand on vient bavarder en copain, qu'on est son seul client. Et pour une femme, ce n'est pas un drame d'y venir, même après minuit. La grosse fleuriste ou le garagiste, ceux qui sont là sont des amis. Le vieux café. mais on y fait des dettes et tu paieras plus tard. J'irai sur la lune ou bien sur Saturne un jour emmener mes enfants. J'irai sans tristesse pourvu qu'on me laisse ce coin. Mon cœur est content. Le vieux café de la rue d'Amérique, en plein milieu d'une ville en acier. Le vieux café l'essentiel. De jazz avec Michel Jonas. Et puis juste après Mélissa avec Julien Clerc. Prêt pour le bop. Hey bop. Un peu nage, descend dans la boîte de jazz. afin d'oublier un peu le cours de ma vie. Les gars me regardent énervés. C'est pas la tuée sur le bar et l'âme de désir. Alors qu'est-ce que ça fait du professionnel? Come on, boy. C'est moi qui s'interpelle. Hey, QC, tu connais Charlie Mingus. Oh, Parker, je connais Parker. Hey, FBC, le nom est Davis. Aussi, je connais aussi, j'aime tous les succès de Duke Nicole. J'avance doucement et je rase les murs de la boîte de jazz pour arriver pétrifié jusqu'à la scène. Dans un coin, un orgue m'attire. Ça y est, je transpire. Timidité surhumaine. Et si c'était la chance de ma vie, je me lance, allez, tant pis. Perdu, personne ne l'entend. La La police est tout dévendue, disant qu'elle a tant. Mélissa Médis dit Pissa a toujours sa vertu. Dites jamais que je vous ai dit ça, pour Mélissa me tue. Je vous ai jamais vu. Le matin derrière ces canis, alors je vends des longues vues. Mais si jamais Mélissa, c'est ça, là c'est moi qui vous tue. Voici tout simplement Johnny avec Pour ceux qui s'aiment. Et c'est cette chanson-là qu'on va se quitter et qu'on va se retrouver bien tout simplement mardi prochain et vendredi tout simplement. Toujours même heure à partir de 13h30. Voilà. Et j'espère que vous avez passé une bonne après-midi en ma compagnie. Tout simplement, on se retrouve donc eh bien vendredi. Donc, eh bien, je vous dis bonsoir à tous et à vous toutes. La colère devient silence. Pour toi.